À la musique. Place de la gare à Charleville. Sur la place, taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. L'orchestre militaire au milieu du jardin balance ses shakos dans la valse des fifres. Autour, au premier rang, parade le gandin. Le notaire pend à ses breloques sa chiffre. Des rentiers à lorgnons soulignent tous les couacs. Les gros bureaux bouffis traînent leurs grosses dames auprès desquelles vont, officieux cornac, celles dont les volants ont des airs de réclame. Sur les bancs verts, des clubs d'épiciers retraités qui tisonnent le sable avec leurs cannes à pommes, fort sérieusement discutent les traités, puis prisent un argent et reprennent. En somme, épatant sur son banc les rondeurs de ses reins, un bourgeois, à boutons clairs, bedaine flamande, savoure son aunin, d'où le tabac par brin déborde. Vous savez, c'est de la contrebande. Le long des gazons verts ricanent les voyous. Et, rendus amoureux par le chant des trombones, très naïfs et fumant des roses, les piou-piou caressent les bébés pour enjôler les bonnes. Moi, je suis, débraillé comme un étudiant, sous les marronniers verts les alertes fillettes. Elles le savent bien, et tournent en riant vers moi, leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes. Je ne dis pas un mot, je regarde toujours la chair de leur cou blanc, brodée de mèches folles. Je suis, sous le corsage et les frêles atours, le dos divin, après la courbe des épaules. J'ai bientôt déniché la bottine, le bas. Je reconstruis les corps, brûlés de belles fièvres. Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas. Et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres.